Albatar, Albatar, il a pris l'argent du charbon, il s'est taillé à Pattaya. C'est chaud, dans son gros boule ça bug. Elle aime trop la cahier et les gamos des ténèbres. C'est une Gretana. Ah la la, elle donne pas l'heure à la base. Il faut minimum la blackout. C'est une Gretana. Elle veut de la patata. Elle fait hala rabat. Tu risques fait fait pour GT4. C'est une Gretana. Bomba latina, bomba latina, bomba latina, bomba latina, bomba latina.